franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Certains l'ont appelé le réseau des poupées, tout simplement parce que ces espions de l'Est utilisaient parfois pour dissimuler et transmettre leurs moissons de renseignements des poupées astucieusement évidées. Mais c'est un détail parfaitement anecdotique et surtout destiné à divertir la presse, car les deux couples d'espions impliqués connaissaient aussi les techniques de communication les plus sophistiquées en usage dans les services spéciaux modernes. Si M. X a cru bon de me conter cette histoire d'espionnage qui remonte à la période de la guerre froide, c'est qu'elle illustre à merveille l'ingéniosité, mais aussi la méticulosité dont ont fait preuve les services de l'Est, et particulièrement celui de l'ex-RDA qui était dirigé par un personnage quasi légendaire, Marcus Wolf. Je peux vous le dire d'emblée, malgré les années qui ont passé, malgré la fin officielle en tout cas, de la compétition entre les blocs occidentaux et orientaux, eh bien, l'affaire de ce réseau d'Allemands de l'Est demeure mystérieuse et certains de ses aspects sont toujours couverts par le secret défense. Oui, alors que convient-il encore de cacher ? Sans doute l'essentiel, c'est-à-dire la véritable importance du travail de ces deux couples d'espions. Et aussi ce qui a présidé à leur arrestation. Mais enfin, n'allons pas trop vite, n'est-ce pas ? Alors, oui, bien sûr. Alors, par où commencer ? Encore un instant. Si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de ce que les journalistes ont appelé le réseau des poupées, c'est qu'il témoigne de l'extrême patience dont peut faire preuve un service de renseignement lorsqu'il désire infiltrer une organisation ennemie. Et vous allez le constater, ça peut durer des années avant de produire éventuellement des résultats. Alors, commençons donc par l'histoire d'un certain Peter Kranich. Un citoyen allemand. Hein. Oui, un type tout à fait ordinaire dans l'Allemagne de l'après-guerre. Né en 1930, fils d'un ancien policier, membre des jeunesses hitlériennes, comme la plupart des adolescents, il n'a suivi aucune formation particulière et après la défaite du Troisième Reich, il travaille d'abord dans une boucherie, puis dans une scierie. Ses parents divorcent et sa mère part s'installer à Berlin-Est. Oui, dans la partie soviétique de la ville, donc. Hein. Oui, elle y possède des immeubles. Ah oui. Et son fils la suit ? Non, elle ne veut pas. Elle préfère qu'il reste dans le secteur occidental. Pourquoi ? Elle se méfie des communistes ? Vraisemblablement. Mm-hmm. Peter, déboussolé, ne sait pas trop quoi faire. Et il finit par s'engager dans la Légion étrangère. Quoi, la Légion étrangère française ? C'est ça, oui. Ouais. La guerre fait alors rage en Indochine et la Légion a recruté beaucoup d'Allemands. Ouais, dont pas mal d'anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Auxquels on s'est abstenu de poser trop de questions gênantes. Enfin, passons. Peter Kranich est donc envoyé en Indochine où il combat courageusement. Grièvement blessé à Dien Bien Phu, il est décoré, pensionné et démobilisé avec le grade de sergent en 1954. Que fait-il alors ? Il revient chez lui en faisant valoir ses états de service en Indochine. Il trouve assez facilement un emploi à Berlin, au quartier Napoléon. Oui, on a déjà parlé du quartier. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est le QG des forces françaises à Berlin-Ouest. D'abord recruté comme planton, il est ensuite affecté au service de presse en tant qu'archiviste. Mais pour arrondir sa maigre solde, il lui arrive aussi de vendre des voitures d'occasion. C'est alors qu'il va être victime d'un curieux accident. En juin 1955, Kranich, qui circule à vélomoteur dans une rue de Berlin, est renversé par une automobile. Mais pas n'importe laquelle. C'est-à-dire ? Le véhicule appartient au MFS, le ministère est-allemand de la sécurité. Ah oui. Et Kranich est blessé ? Non, il est seulement sonné. En tout cas, il est aussitôt embarqué par les occupants de l'auto. Ah ouais, ce n'était donc pas un accident ordinaire. Bien entendu. Mais que lui veut-on alors ? Les policiers qui l'ont emmené veulent profiter de son désarroi pour s'entretenir avec lui. Kranich va être l'objet d'une véritable manœuvre d'action psychologique. Les policiers est-allemands, ce sont en réalité des membres du service de renseignement, le HVA de Marcus Wolf, n'ignorent rien de sa carrière. Ils lui font valoir que les Français, malgré sa conduite courageuse en Indochine, ne lui ont offert qu'un poste subalterne. Au fond, ses employeurs français le méprisent d'avoir choisi de travailler pour la puissance occupante. Mmh. Est-ce un argument qui porte ? Kranich est incontestablement ébranlé, surtout quand ses interlocuteurs lui suggèrent qu'il pourrait au contraire se mettre au service de ses compatriotes et combattre à sa façon pour la réunification d'une Allemagne nouvelle et socialiste. C'est un peu gros ça, non ? Ah, pas tant que ça, même si bien sûr je simplifie. Mais on promet aussi à Kranich une amélioration de sa situation financière et surtout on lui laisse entendre que sa mère, qui vit à Berlin-Est, où elle possède des biens, ne pourrait que tirer bénéfice d'une éventuelle collaboration de son fils avec les autorités est-allemandes. Ouais, ça ressemble à un chantage. Enfin, hein. Peu importe, hein, Kranich est déjà décidé à dire oui. Ah oui. D'accord, mais que lui demande-t-on ? Ah ben, c'est le point essentiel. Kranich doit rester à son poste au QG français. On avisera plus tard. En attendant, le jeune homme profite de ses visites à Berlin-Est, où il est censé voir sa mère, pour effectuer une très complète formation d'espion. Il apprend les techniques, quoi. Par exemple, l'utilisation du carbone blanc, qui permet d'écrire de façon invisible, ou la création de micro-points. Oui, ça, ce sont des micro-photographies de documents. Hein. Oui, qu'on peut, par exemple, dissimuler sous un timbre-poste. Et puis, on lui enseigne aussi la pratique des boîtes à lettres mortes. Oui, on en a souvent parlé. Et tout ça va lui servir à quoi ? Ben, au QG français. Le service de presse est proche de la section politique. Ah oui, c'est ce qui intéresse les Allemands de l'Est. Bien évidemment. Ouais. Bon, on passe les détails, mais Kranich va réussir à obtenir des informations de première main sur les positions françaises à propos de la délicate question de Berlin. Il parvient, en particulier, à placer un micro sous une table de conférence où se réunissent régulièrement les représentants des pays membres de l'Alliance Atlantique. Grâce à Kranich, les autorités de l'Est sont donc bien placées pour savoir comment réagiront les Occidentaux quand Moscou décidera la construction du mur en 1961. Toutefois, cette coupure en deux de la ville de Berlin entraîne quelques difficultés pour Kranich. Oui, parce qu'il ne peut plus circuler aussi facilement qu'autrefois. Bah, évidemment, le HVA, le service de renseignement dirigé par Marcus Wolf, doit donc lui adjoindre un homme qui sera en quelque sorte son agent de liaison. Ouais, il fera passer à l'Est les informations qu'il aura glanées à l'Ouest. Et cet homme alors ? Bah, il s'appelle Hans Joachim Bammler. Un mot sur son pédigré avant de revenir à Kranich. Bammler, né à Berlin en 1925, est le fils d'un général qui a été enrôlé par le service de contre-espionnage de l'amiral Canaris. Oui, l'Abwehr. Mais en juin 1944, il est capturé par l'armée rouge. Et dans son camp de prisonniers, il participe au comité pour une Allemagne libre. Oui, c'est-à-dire, c'est une organisation anti-nazie. Oui, s'étant laissé capturer, le général Bammler est considéré par les autorités du Reich comme un traître. Et les nazis se vengent sur sa femme qui est déportée à Dachau. Et il mourra. Un drame qui jouera plus tard un grand rôle dans la décision de son fils de rejoindre le camp socialiste. Quant au père, libéré en 1950, il deviendra général des Vopo, la police de sûreté est-allemande. Il s'est donc rallié au régime communiste. En effet. Et ouais. Le fils, Hans Joachim, mobilisé pendant la guerre et interné quelque temps dans ce camp américain, il travaille comme publicitaire dans les milieux du théâtre après avoir exercé plusieurs petits boulots. A-t-il aussi, enfin, comme son père, adopté la foi communiste ? Eh oui, il a adhéré au parti. Et quand la Stasi lui demande de devenir un mouchard, il accepte aussitôt. Ouais, par devoir communiste ? C'est à peu près ça, oui. Et c'est cet homme alors qui va être amené à travailler avec Kranich ? Oui, en tant que coursier. Mais bientôt, tout va changer pour les deux hommes. Et pourquoi alors ? Mais parce que la section politique du gouvernement militaire français de Berlin va déménager et être rapatriée. Le prochain objectif des deux espions, c'est donc la France. Et il va falloir se préparer. Thank you. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Dans son livre « Le KGB en France », Thierry Volton explique qu'avec ce déménagement, la section politique du gouvernement militaire français devient hors de portée de Peter Kranich. Le MFS entreprend sa reconversion avec un luxe de moyens étonnant, à la mesure de la volonté des pays socialistes de pénétrer certaines organisations occidentales. L'OTAN, dont le siège se trouve à l'époque à Paris, devient son futur objectif. Il faut plus d'un an au MFS pour mettre au point l'opération pour constituer le réseau Éric et Bruno. Bon, j'ai oublié de vous dire qu'en 1958, à Berlin, au quartier Napoléon, Kranich a fait une rencontre très importante. Qui ? Une jeune femme blonde, très séduisante, Renée Lévin. Née à Paris, de parents juifs, elle a été déportée lorsqu'elle était enfant et à ce titre, elle est pensionnée par le gouvernement ouest-allemand. Et elle, que fait-elle au quartier Napoléon ? Bon, le sténo-dactylo. Kranich, marié, est tombé follement amoureux. Dès qu'il l'a vue en 1959, il quitte sa femme. Or, au début des années 60, le contrat de Renée prend fin et elle retourne en France où elle trouve à s'employer à l'ambassade d'Allemagne. Ah, les amants sont séparés. Et Kranich fait de fréquents allers-retours, Berlin, Paris, mais enfin, c'est pas une solution. Ses employeurs est-allemands lui font alors une étonnante proposition. Ils sont prêts à financer son installation en France et même à payer son divorce, à une condition. Sa maîtresse doit réussir à se faire engager dans les services administratifs de l'OTAN. Ouais, mais ça, c'est pas du ressort de Kranich. Certes. Mais le HVA, l'organisation de Marcus Wolf, s'est intéressé de très près à Renée Lévin. La jeune femme a des parents très influents. Il pourrait lui donner un coup de pouce pour la faire engager. Mmh, je veux bien, mais enfin, cependant, il faudrait que Kranich explique à sa maîtresse pourquoi elle doit travailler à l'OTAN. Eh bien, son amant lui avoue la vérité. Son appartenance au HVA de Marcus Wolf. Non seulement la jeune femme n'est pas choquée, mais elle accepte à son tour d'être recrutée par le service de renseignement est-allemand. Assez étonnant. Ah, pas tant que ça. Hein. C'est la guerre froide, je vous le rappelle. L'affrontement est-ouest n'a jamais été aussi âpre. Nombreux sont les gens sincères qui pensent que le camp de la paix se trouve à l'est et que les dirigeants ouest-allemands ne sont que des revanchards, des fauteurs de guerre qui n'ont pas réellement accepter la dénazification du pays. Ah, il s'agit donc pour la jeune Renée là, d'une adhésion idéologique. Ah, très certainement. Et n'oublions pas qu'elle a été déportée. En tout cas, grâce aux recommandations de sa famille, à son excellent profil professionnel, Renée Lévin est engagée à l'OTAN. Elle a quand même dû faire l'objet d'une enquête de sécurité, non ? Certainement, mais on ne pouvait rien lui reprocher. Et Kranich, qui jouit d'un statut de résident privilégié en raison de ses antécédents militaires, l'a rejoint à Paris, où ils vont désormais vivre ensemble et même se marier. Mmh. Pour le HVA, c'est très important. Un couple attire moins l'attention. Et vous allez le constater, il va en aller de même pour l'acolyte de Kranich. Ouais, ce Bamler, là, qui était son coursier à Berlin. Mmh. Exactement. J'y viens tout de suite. Mais poursuivons un instant avec Kranich et la belle Renée Lévin. Très vite, la jeune femme donne satisfaction à ses employeurs de l'OTAN et creuse son sillon. Après avoir été affectée au pool des dactylos, elle est nommée secrétaire du responsable des relations publiques de l'Organisation Atlantique. Mmh. Et c'est un poste important, ça ? Enfin, je pense au service est-allemand. Et en effet, car elle a accès aux dossiers biographiques de tous les fonctionnaires de l'OTAN. Et nantie de la confiance de ses supérieurs, elle accédera à des informations de plus en plus pointues. En même temps, elle a suivi une authentique formation d'espionne. Elle aussi, oui. Et Kranich, lui, que fait-il ? Élevé au grade de lieutenant-colonel, il devient d'une certaine façon l'officier traitant de son épouse. Et pour donner le change, il crée une petite entreprise et loue avec René un modeste pavillon de banlieue. Un couple bien tranquille. Ah, c'est l'image qu'il leur faut donner. Et vous le disiez, la Bamler suit le même chemin. Oui, c'est une nouvelle illustration de la méthode perfectionniste de Marcus Wolf. Bamler est donc pressenti pour se rendre en France où, comme à Berlin, il sera le messager de Kranich, celui qui lui permettra de transmettre ses informations à l'Est. Lui aussi subit avec son épouse une rigoureuse formation d'agent secret. Il apprend en particulier tous les moyens qui lui seront nécessaires pour entrer discrètement en contact avec sa centrale, les micropoints, mais aussi les émissions flash de radio. Mais ça, ce sont des émissions condensées. Hein. Et chiffrées, c'est ça, oui. La transmission ne dure que quelques secondes et peut être captée par un poste de radio ordinaire, comme celui qui permet à vos auditeurs de nous écouter. Et celui qui intercepterait par erreur ce flash sonore aurait seulement l'impression d'avoir affaire à des bruits parasites. Bien sûr, je simplifie. Oui, mais précisez quand même, là. C'est intéressant, ça. Ah, le procédé était très sophistiqué. Par exemple, le dimanche soir à 22h pour Kranich, le jeudi soir pour Bamler, la centrale berlinoise envoyait un message annonçant que le matériel envoyé sous forme de micro-point avait bien été réceptionné. Et la forme de ce message, alors ? Un indicatif musical suivi d'une série de 5 chiffres. Les 3 premiers donnant l'identification de l'agent à qui était destiné le message, puis suivait le message proprement dit, condensé en quelques secondes. Une émission très brève, donc, qui évitait le repérage de l'émetteur par radiogoniométrie. Mais j'imagine que les services de contre-espionnage devaient surveiller quand même ce trafic radio. Ah ben, il était même systématiquement enregistré. Et pour le comprendre, il fallait posséder les clés de chiffrage adéquates. Ouais. Et en l'absence de ces clés, là, pas moyen de le rendre clair. Alors pourquoi l'enregistrer ? Ben, parce que les services espéraient un jour mettre au point une méthode de déchiffrement pour casser les codes. Ou mieux encore, de découvrir chez un espion démasqué l'un de ces codes. Et notez bien que c'est à peu près ce qui s'est passé aux États-Unis dans les années 50. Ah oui, les fameux télégrammes Venona. C'est cela. Ouais. Oui, les services états-uniens avaient enregistré pendant la guerre et tout de suite après un grand nombre de messages envoyés par le KGB à ces illégaux qui opéraient sur le territoire américain. Oui, mais sans pouvoir les lire. Et le jour où ils ont enfin pu casser le code utilisé par Moscou, c'est tout un réseau d'espions soviétiques qui est tombé. Alors, revenons à nos agents est-allemands. Leur formation est longue et particulièrement complète. Dans le cas de Bamler, 3 spécialistes du HVA lui ont enseigné à domicile pendant une année entière toutes les techniques du parfait espion. Rien n'est laissé au hasard. Non, car la couverture d'un illégal en pays étranger, comme le sera Bamler, doit être impeccable. Alors, une fois rompu à toutes ces techniques, Bamler est envoyé à Mulhouse, où il ouvre une petite boutique qui vend des articles d'artisanat, des poupées fabriquées à l'Est en particulier. Oui, les fameuses poupées. Oui. Ouais. Il arrive en France sous sa véritable identité ? Non, il a des papiers au nom de Georges Werner, citoyen autrichien. Un homme qui existe réellement. Et pour parfaire sa légende, Bamler a passé quelque temps en Autriche. Et il a même séjourné 3 semaines en Égypte qu'il est censé avoir visité. Autre détail important, Bamler, alias Werner, arrive seul à Mulhouse. Puis, quelques mois plus tard, il rencontre Marianne, une jeune Suissesse à qui il propose le mariage. Mais c'est une pure mystification, car cette Marianne n'est autre que son authentique épouse allemande. Si je comprends bien, il va donc se remarier avec sa propre femme. Exactement. Vous voyez que le HVA pousse très loin la minutie. Enfin, je continue. Le couple Werner quitte ensuite Mulhouse pour se rapprocher de Paris. Et Bamler finit par s'installer en 1965 dans la capitale, où il trouve à s'engager dans une société d'imprimerie et de teinture, de Pantin. Mais bien sûr, il a conservé quelques-unes de ses poupées gigognes qu'il commercialisait à Mulhouse. Des poupées truquées, avez-vous dit, hein ? Oui, qui dissimulaient une cache où l'on pouvait déposer un message, des microfilms ou du petit matériel. À côté de la sophistication des micro-points ou des émissions flash, le procédé me paraît un peu archaïque, non ? Vous avez raison. Et je doute que Bamler l'ait utilisé très souvent. Et les contacts de Bamler avec Kranich ? Eh bien, ils ont lieu tous les 15 jours dans un lieu public, au jardin du Luxembourg ou encore à Denfert-Rochereau. Et ils étaient forcément brefs. Patrick Pénaud sur France Inter. Dans une note établie par la DST et publiée dans un livre récent, Les espions français parlent, édition Nouveau Monde, j'ai trouvé ses explications sur la technique du micro-point évoquée par M. X. Le micro-point, proprement dit, nécessitait un appareillage compliqué comprenant un véritable microscope avec une technique de prise de vue très délicate nécessitant une dextérité de spécialistes éprouvés. À l'autre bout de la chaîne, l'exploitation de la reproduction microscopique était également malaisée. La difficulté commençait par le repérage du micro-point qui devenait trop souvent invisible ou indécelable. La pellicule est constituée par un petit disque d'1,5 cm de diamètre qui peut recevoir 12 images par simple rotation d'une molette graduée. Les images sont découpées dans le disque et ramenées à une dimension de l'ordre du millimètre, ce qui permet une maniabilité suffisante tout en gardant des possibilités illimitées de camouflage, sous un timbre, dans l'épaisseur d'une carte postale, un coin d'enveloppe, etc. Pourtant, malgré le luxe de précautions prises par les espions est-allemands, ils vont finir par être découverts. En 1966, oui. C'est-à-dire qu'ils ont pu tout juste être en activité en France, pas un peu plus d'une année. Et si l'on tient compte de toute cette longue préparation qui a précédé leur implantation chez nous, c'est bien maigre. Cependant, si on en juge par le rigoureux secret dont la DST a entouré toute cette affaire, on peut imaginer que les deux couples d'espions ont réussi à glaner des renseignements très utiles pour les services est-allemands. Oui, mais on n'en connaît pas exactement le contenu. C'est exact. En outre, les agents du service de contre-espionnage français ont eu la conviction que bien d'autres espions est-allemands demeuraient en liberté. Pour quelle raison, hein? À cause de la méthode utilisée par le HVA pour communiquer avec ces espions. Ces émissions radio très brèves. Oui, chaque agent était donc identifié par une série de chiffres et pouvait ainsi savoir si le message lui était personnellement destiné. Après l'arrestation des quatre espions, les techniciens de la DST ont pu percer le secret des chiffres attribués au Kranich et au Baumler. Mais à qui correspondaient les autres chiffres? On pouvait donc penser qu'il existait tout un réseau d'illégaux opérant en France. Oui. Mais comment ont été démasqués les deux couples, là? Là encore, c'est le plus grand mystère. Mais il est certain que depuis quelques années, la DST menait systématiquement la chasse aux taupes de l'Est. En fait, depuis qu'un transfuge soviétique passé aux États-Unis avait révélé aux services de renseignement occidentaux qu'ils étaient largement infiltrés. Oui, le fameux Golitsyn. Oui, ouais. On en a parlé à plusieurs reprises. J'ai émis des doutes sur les véritables motivations de ce personnage qui a provoqué un sérieux bazar dans les services secrets de l'Alliance Atlantique. Oui, vous avez même émis l'hypothèse qu'il aurait pu être manipulé par le KGB à seule fin de semer le désordre dans les services occidentaux. Et particulièrement en France, où la politique étrangère du général de Gaulle agaçait fortement les Américains. Alors, bon, on n'y revient pas. Mais vrai ou faux transfuge, ce Golitsyn a eu au moins un mérite, celui d'alerter ses services sur les infiltrations dont il pouvait être victime, même si ça s'est traduit au SDEC par une regrettable chasse aux sorcières. En tout cas, le contre-espionnage était donc devenu plus vigilant. C'est certain. Et la DST avait enregistré un certain nombre de succès. Ainsi, l'espion tchèque Pierre Cardo avait été démasqué en 1962. Puis ça a été le tour de Georges Pack en 1964. Mais Pack, haut fonctionnaire français qui travaillait aussi à l'OTAN. Hein. Et collaborait également avec les services soviétiques. Même si j'en ai la conviction, on a beaucoup exagéré sa réelle capacité de nuisance. Donc, par conséquent, la DST était en éveil. Mais dans les deux cas, Kranich et Baumler, je suis presque sûr qu'ils ont été victimes d'une trahison. Un autre transfuge qui les aurait dénoncés? C'est très possible. Enfin, je n'en sais pas plus. Quoi qu'il en soit, en 1966, la DST commence à surveiller étroitement les deux couples. Des micros sont même posés dans l'appartement des faux époux Werner. Oui, c'est-à-dire les vrais Baumler. Oui, ouais. Oui, cette surveillance a duré plusieurs semaines. Puis les policiers sont passés à l'action. Simultanément chez les Baumler et chez les Kranich, qui s'étaient installés à Antony, dans la banlieue parisienne. Et après avoir arrêté les quatre espions, ils ont perquisitionné leur domicile, j'imagine. Ah bah naturellement, ouais. C'était l'opération la plus importante. Les hommes de la DST devaient trouver des preuves, mais aussi, c'est en tout cas ce qu'ils espéraient, un de ces codes de déchiffrement qui leur permettrait de lire à livre ouvert tous les messages qu'ils avaient enregistrés, mais qu'ils ne pouvaient pas déchiffrer. Ouais. Ils ont trouvé ? Bah d'abord, ils ont découvert dans les deux domiciles une véritable panoplie du parfait espion. Des carbones blancs, des produits chimiques capables de détruire des papiers, un appareil photo Minox et tout le matériel nécessaire à la confection des micropoints. Accessoirement, ils mettent aussi la main sur un message de félicitations adressé par la direction du HVA au couple Kranich pour l'excellence de leur travail. Message qui annonçait dans la foulée que Peter Kranich se voyait décerner la plus haute décoration de la centrale est-allemande. Ce qui corrobore aussi ce que vous disiez à propos de l'importance des renseignements transmis par les Kranich. Mais autre chose, là, l'espion a comme une imprudence en gardant ce document. C'est certain. Est un parfait espion n'exclut pas d'être vaniteux. Peter Kranich était très fier d'avoir été ainsi distingué par ses pairs. Et le code alors ? Ah ben il était bien là, dissimulé dans le manche d'un tournevis. Une trouvaille que les agents de la DST ont aussitôt exploitée, comme vous pouvez bien l'imaginer. Avec quel résultat ? Là encore, la DST a imposé le secret. Mais je n'exclus pas que 3 ans plus tard, une autre affaire, concernant là aussi un agent est-allemand, et puis être mené à terme grâce à cette découverte effectuée au domicile des Kranich. Je vous en parlerai la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Et que sont devenus les 4 espions hein ? Ils ont comparu devant la Cour de sûreté de l'État, une juridiction d'exception mise en place lors des événements d'Algérie. Ouais, surtout pour juger les putschistes et les membres de l'OS qui avaient tenté d'assassiner le général de Gaulle. Entre autres, oui. Les 4 accusés n'ont pas nié. Ça leur aurait été difficile, mais ils ont soutenu que leur activité d'espionnage au sein de l'OTAN n'avait pas lésé les intérêts français et avait été essentiellement de nature idéologique. Ouais, la lutte contre l'impérialisme américain, j'imagine. Et pour la paix, contre le fascisme. Ils ont prétendu n'être que des idéalistes. Et il est vrai que pour certains d'entre eux, René Lévin et Hans Bammler, par exemple, c'était concevable et ça aurait pu leur valoir des circonstances atténuantes. Il n'empêche que les magistrats de la Cour de sûreté ont eu la main lourde. Kranich a été condamné à 20 ans de prison. Malgré ses états de service dans l'armée française. Oui. Quant à Bammler, il a pris 18 ans. Et les femmes ? 14 et 12 ans de prison. Ont-ils purgé leur peine ? Pas totalement. Comme souvent dans ce genre d'affaires, ils ont bénéficié d'un échange d'espions entre l'Est et l'Ouest en 1974, si je me souviens bien. Et bien sûr, dans la plus grande discrétion. Alors, conclusion ? Bah, je vous l'ai dit, cette affaire comporte encore, tant de décennies après son dénouement, de nombreuses zones d'ombre. Ces parfaits espions qui avaient été formés par l'organisation de Marcus Wolf avec tant de minutie ont sans doute rendu d'éminents services à leur pays. C'est ce qu'ont retenu les magistrats de la Cour de sûreté de l'État en les condamnant aussi lourdement, sans toutefois devoir expliquer les vrais motifs de peine aussi sévères. À samedi prochain, donc, pour une autre affaire impliquant les services d'espionnage est-allemands. Sur franceinter.fr ou encore sur patrick.peno@radiofrance.com, vous pourrez communiquer avec nous, adresser vos commentaires ou même réécouter ce programme. Rebecca de Nantes, comme d'habitude, a préparé cette émission réalisée par Michel Biou et illustré musicalement par Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash CO2 Mon Amour de Denis Chessou.